une histoire particulière. Créée en 1656, la Salpêtrière fut le premier et le plus grand des établissements de l'Hôpital Général de Paris, institution voulue par les dévots du Saint-Sacrement et destinée au renfermement des mendiants. À la veille de 1789, l'hôpital abritait 10 000 personnes. Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin vous convient aujourd'hui à l'école de la Salpêtrière, menée par le professeur Jean-Martin Charcot en 1880, âge d'or de l'hypnose. Le mot « bal des folles » est probablement une expression journalistique ou de roman, d'écrivain. Michel Kerr. Hein, puisque moi, j'ai trouvé des descriptions de ce bal qui date de 1835. Donc le docteur Parizet avait, semble-t-il, à la demande de ses aliénés, hein, enfin de ses malades, avait organisé déjà un bal. Et puis il y en a eu dans les années 60, avant que Charcot ne commence à s'intéresser à l'hystérie. Je crois que la tradition des bals s'inscrit dans une tradition globale des activités de loisirs, des activités d'éducation ou des activités de socialisation de patients souvent qui sont chronicisés ou qui sont dans la douleur. Donc tous les hôpitaux en Suisse, par exemple, et en particulier donc l'hôpital de Münsterlingen, a une tradition, mais qui remonte au Moyen-Âge, qui est une tradition du carnaval, soit à la mi-carême, soit si ce sont dans des pays protestants à distance, enfin 8 jours après la fin du début du carnaval catholique, avec l'idée effectivement du burlesque, de l'inversion des fonctions, de l'expression sous forme travestie ou sous forme théâtralisée, de fantasmes que probablement un certain nombre de patients psychotiques arrivent mieux à exprimer que les névrosés moyens que nous sommes. Hein, voilà, enfin moyens, ça s'entend hein, dans certains cas. Donc, de la prison initiale, il ne reste que les façades extérieures. Le bal des folles de la Salpêtrière, le corps exhibé. A été Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Les personnes âgées, les indigentes et les vieillards femmes qui étaient hospitalisées ici. C'est vraiment plutôt de l'ordre de la maison de retraite à vie. Et en même temps, comme disait Charcot, un vrai musée. Aude Fauvel, vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire de la médecine. Comment définissait-on l'hystérie dans les années 1880 ? Alors, ce qui a changé pour l'hystérie dans les années 1880, c'est qu'on en fait une maladie nerveuse, essentiellement. C'est-à-dire que l'hystérie, c'est une très vieille catégorie médicale, hein, une des plus anciennes maladies qui existent. Mais, comme l'étymologie l'indique, on pensait que ça venait de l'utérus. Donc, l'idée, c'était que c'était une maladie essentiellement féminine, liée au dysfonctionnement de l'organe utérin, comme on disait. Et ce que va apporter Charcot et ainsi que ses disciples, c'est l'idée que ça ne se situe pas au niveau de l'utérus, mais au niveau nerveux, donc c'est finalement le cerveau qui est en cause et les nerfs qui induisent en fait des dysfonctionnements, donc principalement chez les femmes quand même, parce qu'elles sont censées être un petit peu inférieures, avoir un organe cérébral moins efficace, mais, et ça c'est la grande révolution que Charcot voulait apporter, l'hystérie devient en principe dans les années 1880 une maladie que les hommes, donc des hommes faibles, hein, des hommes un petit peu féminins justement, pourrait déclencher, puisque ça se situerait dans le cerveau qui induirait de fait de défaillance un certain nombre de désagréments qui se traduisent physiquement et mentalement. Donc nous on est là, hein. Donc Charcot sera responsable de ce pavillon dit pavillon de la vieillesse, il sera également responsable d'un pavillon ici il y a son laboratoire, avec appareil photographique, laboratoire de photographie, et puis ici, je crois, il y a l'amphithéâtre pour les nécropsies. Et donc, il va avoir un véritable petit royaume. Charcot se comporte effectivement comme un scientifique qui veut chercher une méthode expérimentale et scientifique, avec la certitude que l'origine des maladies nerveuses est une origine organique. Voilà, c'est une origine lésionnelle. Et c'est dans ce contexte-là que la proximité de l'asile d'aliénés et de l'hospice de vieillesse va lui permettre de véritablement créer, à l'interface entre les deux, de créer une spécialité qui va s'appeler la neurologie. Et pour cela, autant L'asile d'aliénés va petit à petit être en situation de disparition, sauf deux services ou un service universitaire et au XXe siècle, la création de la pédopsychiatrie, ici, avec Georges Ayer, et puis d'autres. Autant la partie neurologique, et donc la clinique neurologique, l'école neurologique de la Salpêtrière, va être mondialement connue. Et donc aujourd'hui encore, on vit dans les suites de cette histoire. On commence à comprendre que Charcot apporte quelque chose, qu'il invente autre chose, un autre rapport à l'hystérie. Donc on vient de partout l'écouter. Yann Diener. Comme ça que Freud vient travailler avec lui. Mais ça reste dans la monstration, on reste sur l'axe, dans l'axe du regard, c'est-à-dire qu'il montre à ses élèves, en hypnotisant ses patientes, ou en leur parlant, il montre qu'on peut recréer un symptôme hystérique, par exemple une conversion, une paralysie du bras, par exemple, qu'on peut la supprimer, cette conversion, ce symptôme, sous hypnose, en parlant. Et donc, stupéfaction, c'est jamais pris pour de la magie, mais ça reste du côté d'une action du médecin. Non, tout ce qui est, je vous dis, tout ce qui est asile a été détruit, sauf le pavillon, qui est une espèce de pavillon vitrine, qui est ce qu'on appelle l'éloge des femmes. Mais Charcot utilisait surtout des moyens physiques, hein, plus que psychologiques. Et alors, la métallothérapie, hein, l'utilisation des métaux, l'utilisation des aimants. Donc il a fait beaucoup d'expérimentations et il en avait conclu à l'efficacité de ces procédés, et notamment en mettant en évidence un phénomène extraordinaire qu'il a appelé le phénomène du transfert. Phénomène du transfert qui n'a rien à voir avec le transfert de Freud, mais qui consiste à ce que les symptômes qui concernent un hémicorps, enfin par exemple un bras, soient transférés sur l'autre bras. Il semble qu'il arrivait à obtenir des rémissions, enfin des améliorations, en répétant les transferts, donc en faisant passer le symptôme. Et donc il l'a décrit, il en a affirmé la réalité absolue, enfin avec sans absolument aucune possibilité d'erreur d'expérimentation. Hein, c'est toujours assez intéressant de voir que les plus grands savants peuvent finalement se tromper ou être trompé peut-être, enfin bon, ça c'est un peu compliqué. Et puis l'électricité aussi qu'il pouvait avoir. Alors il pensait que l'aimant d'ailleurs avait provoqué un phénomène un peu analogue à l'électricité. Alors il avait un service d'électrothérapie à la Salpêtrière et donc il utilisait l'électricité. Rien à voir avec l'électrochoc, hein. Galvanothérapie, faradisation. L'électrochoc, ça date de quand, Michel Kerr? Découvert en 1938. Bonjour, monsieur Eden. Comment allez-vous, mes meilleurs voeux? Bien, à vous aussi. Puis-je vous présenter le successeur du professeur Charcot? Ah je suis vieux, là. En tout cas, c'est le chef de service et c'est mon responsable de pilier addictologie, psychiatrie et c'est le professeur Fossati. Voilà. Donc, si un jour vous souhaitez avoir et tout savoir sur la dépression résistante et sur ses longs travaux, il est dans la lignée de Moreau de Tours, de Mithivier, de Delassiove. Ils font un travail sur Charcot et le bal des femmes. Ah, très bien, et donc monsieur Yves connaît tout ça. Non, monsieur Yves, pas du tout. Monsieur Yves par Michel Kerr. La tenue de ces balles nécessitait l'autorisation de la direction de l'hôpital, et c'était le directeur qui était susceptible d'inviter un certain nombre de personnes de l'extérieur. Donc le directeur avait un pouvoir quand même très supérieur à celui du médecin. Donc pour en revenir à Charcot, c'est certainement pas Charcot qui a organisé ou décidé d'organiser. Les balles existaient déjà et c'était le directeur en fait qui donnait l'autorisation et qui lançait les invitations. Alors sauf exception, il y avait très peu d'invités. Hein, les invités triés sur le volet. C'était alors quelques journalistes. Hein, il y avait le directeur de l'assistance publique, puis des gens du monde des arts et des lettres. Hein, des artistes, où on cite Maupassant, par exemple. Il y a une Polonaise qui s'appelle Zopolska, qui a publié dans une revue polonaise son compte-rendu, qui est très intéressant, qui était une artiste et femme de lettres. Et puis donc il y a eu aussi un compte-rendu assez long et très très intéressant de la part d'une certaine Avril de Sainte-Croix, qui était par ailleurs journaliste, enfin qui écrivait dans les journaux, et qui était une féministe militante, franc-maçonne, et qui a assisté, je pourrais même dire participé à ce bal, non pas en tant que danseuse, mais qui s'est entretenue avec beaucoup de malades et qui a fait presque une sorte d'inventaire de cas de malades qu'elle a rencontrés à cette occasion-là. Alors donc, bal des folles, le terme a été employé, je crois, avant que les hystériques n'y soient conviées. Et puis, ensuite, ça a été un bal qui associait des malades, des services d'aliénés, donc des folles, pour le terme public, enfin bon, et des hystériques, alors là, le terme médical, du service Charcot. Voilà. Oui, mais sauf qu'il a dû vous expliquer, enfin, j'imagine que. En fait, même si Charcot est neurologue, en fait, au départ, le point de départ, c'est la psychiatrie. Absolument. C'est ça le message qu'il faut faire passer, y compris vis-à-vis de nos amis neurologues qui pensent avoir tout inventé. En fait, c'est la salpêtrière, c'est la psychiatrie. C'est le plus grand asile psychiatrique. Il se trouve que l'histoire a fait qu'aujourd'hui, la psychiatrie est la portion congrue. Et alors, après, y compris, ça c'est intéressant, enfin, je ne sais pas, mais y compris parce que c'est vrai que les gens disent que la neurologie a été inventée par Charcot, mais ça, c'est le point de vue des Français. Je ne suis même pas sûr que ce soit vrai pour les neurologues étrangers. On reconnaît quand même à l'école de la Salpêtrière l'invention de la neurologie. Disons la méthode anatomoclinique. La méthode anatomoclinique. Vous voyez, je n'ai pas dit de bêtises là-dessus. Voilà. Hein. Voilà. C'est ça. En revanche, c'est Mais je veux dire, parce que c'est parce qu'il y a aussi Sydenham, il y a d'autres neurologues qui ont inventé. Voilà, il y a toute l'école anglaise. Michel Kerr, comment comprendre que des journalistes aient été invités? Quel était le contexte de cette ouverture à l'époque? Et qu'en a pensé cette femme Avril de Sainte-Croix, qui était féministe? Est-ce que il y avait un soupçon de voyeurisme, ou est-ce qu'on pouvait reprocher à l'hôpital de montrer les aliénés s'amusant? Il est certain que le directeur de la Salpêtrière en a tiré un certain profit. Hein, s'est fait connaître notamment par ce biais-là. Je ne parlerai pas de voyeurisme, enfin qui est quand même un terme assez péjoratif, peut-être de curiosité. Alors, on peut toujours considérer que c'est curiosité malsaine, hein, rétrospectivement. Je pense que les gens qui y allaient étaient certainement intrigués, enfin étaient intéressés de savoir comment on pouvait ce qu'on pouvait découvrir derrière les hauts murs de ces asiles, donc notamment de la Salpêtrière. Il y avait un certain mystère, comme encore aujourd'hui. C'était donc d'année en année, bien entendu, comme il y avait des comptes rendus, parfois un peu exagérés, parfois. Ça pouvait aussi attirer l'attention de nouveaux journalistes qui demandaient l'autorisation et qui l'obtenaient. Enfin, il n'y en avait pas non plus énormément. Hein. Mais malgré tout, le plus grand nombre d'articles font valoir que finalement, une certaine déception. C'est-à-dire que au fond, quand on voit un bal de carnaval en ville, c'est souvent plus débridé, c'est plus spectaculaire que ces bals de la Salpêtrière, où finalement les femmes se tiennent assez bien, hein, et que les journalistes pensent qu'ils seraient bien incapables de détecter parmi eux ceux qui sont folles de ceux qui ne le sont pas, par exemple. Alors il y avait aussi des infirmières, hein, en général en tenue professionnelle quand même, qui participaient, qui animaient et qui contrôlaient, qui surveillaient les bals. Et puis alors, la notoriété de Charcot. Alors après, c'est à partir du moment où Charcot a participé, enfin en tout cas les malades de Charcot ont participé à ces bals, ça a donné encore plus de renom et encore plus. Et les journalistes ont manifesté encore plus d'intérêt. Charcot étant extrêmement connu de son temps et très illustre, même sur le plan international. Mais je répète, les journalistes étaient souvent assez déçus en repartant. Déçus et en même temps. Heureux de voir que les folles étaient des femmes comme les autres, si je peux dire. Donc voilà la partie asile du de l'hôpital. Ça, c'est Pinel. Bonjour. Ça, c'est la partie... Donc ça existe toujours. Ça a été déplacé dans un jardin. Et donc, on avait là la grande cour que certaines gravures représentent avec les différentes loges. Alors, ça formait un carré. Donc, il y avait ce qu'on appelle des dortoirs ou des chambres individuelles où, à ce moment-là, en 1830 ou 1820, on avait ce qu'on appelle une ceinture ventrale attachée à un barreau pour éviter aux gens de se de trop s'agiter ou de se tuer, et ce qu'on appelle la méthode du... Alors, c'est pas la méthode du nord restreint, mais c'est la méthode où on laissait les gens dans la contention. C'est une contention. Hein. Moi, ce qui me frappe dans les gravures que nous montre le petit illustré ou les différents journaux du 19e, c'est effectivement le fait que ce n'est pas les soignants qui observent les folles, ce ne sont pas les folles, ça peut être très bien des malades, donc des personnes âgées. On est dans une maison de retraite. La participation des patientes aliénées, il fallait forcément qu'elles soient pas agitées, mais on n'invitait pas à un bal quelqu'un qui était en pleine bouffée délirante aiguë ou avec des troubles du comportement tels que son état maniaque la rendait systématiquement incapable de pouvoir profiter de la fête. Voilà, donc c'est peut-être anachronique ce que je dis, mais en tout cas, c'est essentiellement le bal dans une tradition où au 19e siècle, Paris est considéré comme probablement la ville la plus importante en termes de bal masqué. Enfin, c'est le théâtre des opérettes, c'est les boulevards, donc on voit pas très bien pourquoi. La Salpêtrière est une ville dans la ville, c'est une ville où il y a une vie qui est en dehors des soins, et malheureusement, la plupart des soins par rapport à ce que nous appelons aujourd'hui la pharmacologie, c'est une pharmacologie relativement limitée. Et donc, en tout cas, l'idée que ce soit un bal de folle est une invention journalistique à la faveur des morticoles de Léon Daudet, pas forcément correspondant à la réalité historique. Le Petit Parisien, 19 mars 1887. À vrai dire, il n'y a pas là que des folles. Le service des maladies nerveuses, les hystériques, les épileptiques et les hypnotiques fournissent aussi leur contingent à la fête. On penserait, n'est-ce pas, qu'un bal organisé de la sorte doit être le déchaînement de la démence. Eh bien, il n'en est pas ainsi. Rien de plus paisible, de plus calme, de plus doux, rien qui soit d'un aspect plus débonnaire et plus rassérénant que ce bal de folles. On se croirait dans une de ces fêtes familiales et bourgeoises, comme il s'en organise souvent par souscription entre voisins et amis, à l'occasion des jours gras dans certains milieux parisiens. Toutes ces pauvres aliénées paraissent pleines de reconnaissance et d'affection pour ceux qui ont eu l'idée de leur préparer ce bal annuel. Ce bal, elles en rêvent toute l'année. Aussi leur joie éclate lorsqu'il a lieu. Quand on se rappelle que dans le même hospice de la Salpêtrière, où l'on dansait si joyeusement hier, les pauvres folles étaient encore, il n'y a pas 80 ans, enfermées à demi nues, le corps chargé de chaînes et de carcans, dans des loges souterraines où elles avaient souvent les pieds rongés par les rats ou gelés par le froid de l'hiver. On songe non sans fierté au chemin parcouru et l'on se dit que ni la science, ni la philanthropie, ni le progrès ne sont de vains mots. Donc, que les patients de Charcot préparent le bal, en parlent, que ça leur donne une place, qu'elles l'attendent, qu'elles participent à la décoration de la salle et à la création des costumes, ça leur permet de faire autre chose que juste d'être patient, d'attendre la consultation de Charcot et les repas. Donc, c'est toute l'ambivalence de Charcot. En même temps, il leur donne une place différente. Et en même temps, parce que le bal devient un phénomène. Et parce que c'est Charcot, c'est une star hein, à l'époque, hein, Charcot, c'est vraiment c'est un personnage très important. Il est connu au-delà du cercle hospitalier. Et ben là, il leur rend pas service au moment où il les met en objet du regard du voyeurisme des gens qui viennent s'encanailler, venir parce que c'est souvent des femmes qui sont pas de leur du milieu social des bourgeois qui viennent, qui s'habillent aussi et qui viennent flirter avec des femmes qui vont voir, avec qui vont s'amuser pendant une soirée et puis disparaître le lendemain et repartir. Donc, il leur rend pas service dans ce qu'il crée, les exposant comme ça au regard et au geste aussi. Enfin, on imagine que dans un bal, il n'y a pas que le regard des hommes. Michel Kern, le bal des folles, ce n'était pas le grand renversement et la rencontre amoureuse des médecins avec les aliénés et voir des invités avec les aliénés. Les malades qui participaient au bal des folles étaient des familières des médecins qui assistaient ou participaient au bal. Au début, je pense que les internes et les externes servaient de cavaliers. Au début 1835, hein. À la fin du siècle, je pense qu'il y avait absolument, enfin les femmes dansaient entre elles. Alors il y avait des costumes masculins, féminins, enfin moi, travestisme qui parfois était noté de manière un petit peu négative par les journalistes. Mais ça faisait partie de la vie du service, quoi. Et pareil pour les infirmières. Les infirmières qui jouent un grand rôle aussi. Hein. C'est-à-dire elles sont souvent oubliées, ou en tout cas elles font office de figurantes dans les descriptions, mais elles fabriquaient avec les malades les costumes, elles préparaient, elles arrangeaient la salle, des guirlandes, des lampions, etc. Et elles s'occupaient de l'intendance et puis aussi de faire face à tout problème éventuel qui était quand même finalement assez rare apparemment. Mais donc, pour les contemporains, je pense que ça n'avait pas une importance aussi considérable que ce que le temps a fait prendre, ou peut-être aussi les effets de mode. Hein, c'était certainement pas une manifestation ni de mépris, ni de moquerie de la part des organisateurs vis-à-vis des malades. Hein. Je pense que c'est initialement, c'était les malades elles-mêmes qui étaient à l'initiative. Et puis ensuite, elles étaient tout à fait partie prenante et certainement très satisfaites et très heureuses, finalement, d'avoir cette occasion rarissime de s'amuser, hein, tout simplement. La Salpêtrière est c'est une avenue de romans, de fiction, et on n'en finira pas, et de fantasmes aussi, oui, et puis en même temps d'explications de ce qui nous passe, de ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a des personnalités féminines extraordinaires à la Salpêtrière. Il n'y a pas que Madame Botta, il y a l'adjointe de Marie Curie, qui a été pendant plusieurs années ici hospitalisée, qui a été adjointe du laboratoire de radiologie, qui finira amputée, enfin, à qui il est arrivé, mais qui s'est littéralement sacrifié pour l'avènement de la radiologie après la découverte du radium. Des femmes exceptionnelles. Et là encore, quand je disais qu'un certain nombre de personnes qui sont passées par la Salpêtrière en sont sorties, c'est-à-dire que tout le monde imagine, comme dans l'Ancien Régime, et même dans l'Ancien Régime, les lettres de cachet étaient à temps partiel ou à temps indéfini, mais Madame de Lamotte, la fameuse comtesse de Lamotte, de l'affaire du collier de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui était enfermée, elle n'était pas hospitalisée juste là derrière, dans nos locaux, au bout d'un an, elle a réussi à s'évader comme... Il y a le personnage de Blanche Whitman, le personnage d'Augustine, le personnage, l'érotomane, l'amoureuse de Janet, dont malheureusement les lettres ont été détruites. Enfin, c'est des femmes exceptionnelles, c'est des femmes qui... Jeanne Avril, c'est remarquable. Enfin, je veux dire, elle ne pouvait devenir que danseuse et être la muse de Toulouse-Lautrec. Est-ce qu'on a une idée des milieux sociaux dont venaient les patientes de Charcot et des âges qu'elles avaient? Alors, autant que je sache, la plupart des patients qui étaient pris en charge à la Salpêtrière étaient du même milieu que toutes les malades arrivant à la Salpêtrière, c'est-à-dire pour la très grande majorité des classes sociales en difficulté, voire des indigents. Charcot avait aussi une clientèle privée de milieux très aisés qui recevait donc en dehors de son service de la Salpêtrière. Alors Charcot avait également un cabinet privé rue Lafitte, je pense, et travaillait l'après-midi. C'est l'époque où les médecins étaient à mi-temps. Les médecins à temps plein comme moi, praticiens hospitaliers, psychiatres dans un hôpital public, sont effectivement à temps plein depuis leur statut de 58, hein, 1958. Et pour les classes d'âge, donc, j'ai vu de nombreux cas de patients, de patientes de tout âge, à partir de 16 ou 17 ans, jusqu'à des âges très avancés, très âgés. Et beaucoup de malades de la Salpêtrière étaient des vieillards, étaient des femmes âgées. Les hystériques représentant une part minoritaire des malades de son service. Vraisemblablement, enfin pour l'hospitalisation de l'ordre de 25% et pour la consultation externe de moins de 20%. Avec, dans les chiffres que j'ai vus concernant les années 1887-88, à peu près autant d'hommes que de femmes diagnostiqués hystériques parmi les patients qu'ils présentaient à ces leçons du mardi. Et voilà, historiquement, ce que l'on appelle la clinique de Charcot, là, qui a été entièrement restaurée, qui était avant, qui appartenait avant au service de psychiatrie. Donc moi, je l'ai encore connu quand c'était justement intégré dans le service des professeurs Vidlocher à Lillers, Fossati, voilà. On est ici, au niveau maintenant de ce qu'on appelle le pavillon L'Ermite, qui appartient maintenant aux neurologues, en particulier c'est la clinique des bilans de la mémoire et de la cognition. Qu'entendent les psychanalystes et les psychiatres par le mot hystérie aujourd'hui en 2020 ? Aujourd'hui, on dit qu'en fait, l'hystérie était une maladie historique et que la grande hystérie telle que décrite par Charcot avec les spasmes, les mouvements catatoniques, etc., c'était en fait lié à un mouvement et à une condition de la femme et qu'aujourd'hui, on ne retrouverait plus ça. Certains disent que l'hystérie se serait diluée, elle serait, on la trouverait du côté des postures histrioniques, des gens un peu mégalomaniaques, et on la trouverait du côté du trauma psychique. Donc ça, c'est une autre filiation de l'hystérie. Il faut savoir que pendant la Grande Guerre, 14-18, des soldats se sont mis à déclencher la grande hystérie à la Charcot. Très logiquement, les psychiatres militaires les ont catégorisés hystériques. Mais ça n'allait pas, parce que même si Charcot avait dit que les hommes pouvaient être hystériques, il avait dit que c'était des hommes faibles, un peu féminisés. Donc très vite, on a dit non, ça ne va pas. On peut pas dire que les hommes virils de la guerre sont des hystériques. Donc on a appelé ça shell shock, puis stress post-traumatique. Et puis ça a encore changé de nom. Et certains historiens et certains médecins disent que finalement l'hystérie à la Charcot, on ne la retrouve plus exprimée sous cette forme violente. Hein. C'est très violent hein, l'hystérie. Il faut se rendre compte que à l'époque de Charcot, les gens se plient en deux. C'est ce qu'on appelle l'arc hystérique. Ils se roulent par terre. Parfois ils se mordent la langue. Que ces manifestations très graves, on ne les trouverait finalement que dans des cas très graves et sévères de stress post-traumatique liés notamment à des épisodes en guerre, donc chez des militaires, mais aussi chez des civils. Mais tout cela, c'est sujet à discussion, tout le monde n'est pas d'accord, suivant qu'on est un psychiatre, on n'aura pas le même avis qu'un neurologue, qui n'aura pas forcément le même avis qu'un psychanalyste, et là les chapelles sont diverses et variées. Donc ça c'est un petit peu résumé de façon grossière des choses qui sont encore très très discutées à l'heure actuelle. Le bal des folles de la Salpêtrière. Le corps exhibé. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Avec Michel Kerr, psychiatre. Yves Edel, psychiatre. Aude Fauvel, historienne de la médecine. Et Yann Diener, psychanalyste. Merci à Christophe Paradas. Coordination Christine Bernard. Maude Jussaume s'est occupée du site internet. Prise de son François Rivalan. Mixage Alain Joubert, Recherchina Anne Delvaux.